Dimanche, le 1er mai, c'est la Grande Marche pour la forêt. Ici Jean-Pierre Boivin, président d'Alliance Forêt Boréale. Je vous invite à vous joindre aux élus municipaux et aux travailleurs de la forêt pour affirmer votre appui à l'exploitation durable de notre ressource forestière, créatrice de richesses chez nous. Soyez au rendez-vous à 11h à l'Hôtel de Ville de Saint-Félicien. La foresterie, c'est aussi une solution au changement climatique. Nouvelle qui a été annoncée au cours de la fin de semaine sur les médias sociaux. Les Sabres de Roberval ont un nouvel entraîneur-chef. Il s'agit de Patrice Gagnon. Patrice Gagnon qui remplace Jason Lajeunesse qui était à la barre de l'équipe depuis 2 ans. Quoi qu'il en soit, on va parler avec le président des Sabres de Roberval qui est également le maire de Roberval. Mais là, on va lui parler dans le cadre du rôle de président, c'est Guy Larouche. Bon matin, Guy. Bon matin. Guy, pourquoi on va faire ce changement? Avoir un nouvel entraîneur qui avait déjà de l'expérience et que on voulait mettre vraiment une nouvelle synergie au niveau de l'équipe. Donc, c'est pour ça qu'on a décidé d'y aller avec M. Gagnon. Est-ce que la décision était prise durant la saison ou après la saison? C'est lorsqu'on a fait un post-mortem, on a décidé c'est le temps d'y aller avec un changement d'entraîneur? Exactement. Écoutez, on a attendu une trentaine de jours, là, une fois que la saison des séries était terminée, pour laisser décanter tout ça et par la suite là, avoir un séance conseil d'administration et en discuter. Puis c'est là qu'on en est venu à cette décision-là. OK. Est-ce qu'il y avait d'autres candidats que Patrice Gagnon à la barre qui étaient intéressants pour Guy Larouche et le CA? Oui, on a regardé différentes personnes. Par contre, ben à chaque fois, là, on revenait sur M. Gagnon là, dans les discussions. Fait qu'on on a décidé de vraiment y aller avec cette personne-là. OK. C'est quoi son Patrice Gagnon, son petit gris dans le monde du hockey professionnel, mais hockey mineur à Roberval? Ah ben écoutez, je vous dirais même au niveau junior de hockey, okay. Il était à la barre là, des Royals de Métamétchouan pendant plusieurs années. Il a même tenu ça, comme on dit, à bout de bras. À ce moment-là, il était tout seul. Okay. Donc, il n'y avait pas d'organisation. Donc, il devait s'occuper de tout. Puis, écoutez, ça devient extrêmement difficile. Pour vous donner une idée, nous, dans l'organisation, on est une quinzaine de personnes. Donc, okay. Là, il va pouvoir se concentrer vraiment uniquement au niveau du hockey, ce qui est une excellente chose. OK. Est-ce que le recrutement des joueurs est difficile à Roberval ou a été difficile? Parce que je parlais souvent avec Jason, puis il cherchait régulièrement, puis il amenait des joueurs. Mais depuis que l'équipe à Roberval, est-ce que ça a quand même été facile? Non, parce que la grosse problématique qu'on a, c'est qu'on n'a aucun club école. En comparaison, Normandin a 3 clubs écoles. Celui-là de Saint-Félicien, celui de Beaumont-Sassigny et celui de Chibougamau. Je vous dirais, c'est un peu une aberration qu'il y a présentement au niveau des territoires. Toutes les autres calibres Saint-Félicien est inclus avec le territoire de Roberval. Nous, ça fait plusieurs demandes qu'on fait au niveau de la Ligue et de Hockey Québec pour qu'il y ait une modification. Encore cette année, c'est certain qu'on va revenir à la charge parce que c'est vraiment une problématique au niveau du bassin des joueurs. OK, OK. Tu es content quand même des assistances? Es-tu quand même content depuis que l'équipe est à Roberval? Ça va entamer la 3e année. Est-ce qu'on est quand même heureux? Ben écoutez, oui, c'est certain. On est bien content d'avoir ce calibre-là. Je pense que c'est un des plus beaux calibres qui est là. Par contre, on a encore, bien entendu, beaucoup de travail à faire. C'est sûr que le début de saison va être très particulier étant donné les travaux de réfection qu'il y a au centre de Benoît Lévesque. Donc, il y a différentes ententes que nous avons prises pour au niveau des parties. Il y a plusieurs parties là qui vont se jouer, soit à Mastoyage ou ailleurs. OK, à Chambord? En début de saison. OK. Non, on n'ira pas à Chambord. OK, OK. Donc, ça va... Là, ça arrive trop tard également. OK, donc ça va être à j'imagine à Mastoyage, c'est ça? Principalement, puis ça peut arriver également qu'on en aille à Métabetchouan aussi. OK, OK. Parce que vous faites partie du secteur de Métabetchouan, là. Oui, exactement. OK. Jason, quand même, ça a quand même pas été facile pour lui. Est-ce que le step du Bantam ou Junior était peut-être trop haut? Bon, je répondrai pas à ça, je pense. OK. Ce sera plus peut-être à lui là, de répondre à des questions là, concernant ça. Par contre, il faut comprendre que lorsqu'on arrive dans le Junior 2A, c'est des jeunes entre 18 et 21 ans. Ouais. Donc, il y a différentes réalités de début de travail, études, etc. C'est pas nécessairement toujours évident non plus. Là. OK, OK. Ben, Guy Larouche, gros, gros merci. Au plaisir de se parler durant l'année. Parfait, merci. Le président des Sabres d'Orbeval, Guy Larouche. Hey, Guy?